Rester en reste, elle n'est pas en reste plutôt. Elle a aussi fait une sortie dénonçant des attaques lâches et barbares, seulement des termes utilisés à l'instar de génocide par le président Omaro Sissoko Embalo, a embarrassé les autorités burkinabées qui, à la lecture du communiqué publié par ce dernier, ont jugé sa sortie hâtive et péremptoire. Le chef de la transition Ibrahim Traoré s'est donc dit surpris au regard du tweet du président de la CDAO qui a donc évoqué le mot génocide après ce qui s'est passé dans le nord du Mali. C'était le 20 avril dernier, on le rappelle, près de 60 civils tués lors de ces attaques du côté de Karma. Et voilà donc qui sera au centre des débats de cette journée de mercredi. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans Appel sur le continent. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine et donc nous aurons deux invités pour parler de cette actualité. Tapé Groubera qui lui est déjà en ligne. On va tout d'abord lui dire bonsoir. Bonsoir à vous, cher monsieur. Veuillez ouvrir votre micro pour qu'on puisse écouter véritablement ce que vous avez à dire ce soir. Bonsoir Tapé Groubera. Oui, bonsoir madame. Je salue la direction d'Afrique Média, les téléspectateurs, ainsi que l'équipe technique qui permet à ce que l'émission ait lieu. Je salue effectivement la personne que vous allez inviter avec laquelle nous allons parler de ce problème assez sérieux. Alors, Tapé Groubera, on parle de massacres de Karma. Déjà, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle qui vous a certainement donné des sueurs froides au regard ou alors à l'écoute du nombre de personnes, de civils tués lors de cette attaque meurtrière dans le nord du Burkina Faso? Une soixantaine de civils tués alors qu'elles ne demandaient pas à mourir, elles ne demandaient qu'à vaquer à ses occupations. Cette soixantaine de civils tués, voilà que lors des attaques qui ne les concernaient même pas, elles ont donc perdu la vie. Alors, selon vous, du moins, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Pour la mémoire de ces personnes qui ont été lâchement assassinées, observez une minute de silence dans la mémoire de ces personnes, parce que ce qui s'est passé est grave et gravissime. Merci. Je voudrais donc aussi en même temps traduire ma compassion auprès des personnes qui ont été blessées et les personnes qui ont été meurtries, même si on n'a pas été blessé, qui ont été meurtries dans leur chair par rapport aux images tragiques qu'elles ont certainement dû voir. Vous imaginez des enfants qui ont dû voir ce drame se perpétrer devant eux. À toutes ces personnes, ils ont ma modeste compassion. Et c'est avec le cœur meurtri, avec la colère, que je m'exprime lorsque j'ai eu une information de ce drame qui a été perpétré par des individus qu'on n'est pas encore arrivé à identifier. Et je pense que ces personnes, comme l'ont dit les autorités du Burkina Faso, ils feront tout pour mettre la main sur ces voyous, ces délinquants, ces assassins, et qu'ils vont être, ces personnes vont être traduites devant la justice du Burkina Faso. C'est là que nous comprenons que, effectivement, ce pays, il vient de très loin. Et quand nous, à l'époque, quand le président Traoré, la transition Traoré parlait, on ne réalisait peut-être pas de loin que nous étions, parce que ça, c'est une situation assez gravissime. D'autant plus que ces personnes, comme vous les avez dit tout à l'heure, sont des personnes qui vaquent à leurs occupations. Voilà que ces personnes innocentes vaquant leurs occupations ont été encerclées par un groupe de voyous. On ne sait pas comment ces personnes ont été armées et ces personnes sont allées commettre ce massacre. C'est avec, pour ne pas me répéter, c'est avec colère, une grande colère que je m'exprime aujourd'hui. Je trouve que certainement on parlera. La légèreté à laquelle le président Balo a parlé, elle n'est pas acceptable non plus. Du communiqué du président en exercice de la CDAO, Omaru Sissoko Embalo, on va donc lire ce communiqué pour les téléspectateurs avec l'aide de la réalisation. Et donc le gouvernement du Burkina Faso qui a donc été surpris du contenu d'un tweet du 27 avril publié au nom de la CDAO sur la page personnelle du président de la conférence des chefs d'État, son excellence Omaru Sissoko Embalo, utilisant le concept grave de génocide pour qualifier le drame survenu dans le village de Karma le 20 avril 2023. La même qualification apparaît dans le communiqué publié à la même date par la commission de la CDAO. Le gouvernement du Burkina Faso voudrait donc attirer l'attention de son excellence monsieur le président Embalo et celle de la commission de la CDAO qu'une qualification aussi grave que celle de génocide portée par les événements qui ont endeuillé le Burkinabé doit nécessairement se faire sous l'éclairage d'une enquête portée par une instance dûment habilitée. Et donc l'enquête ouverte par l'autorité judiciaire burkinabé s'inscrit dans cette démarche professionnelle et prudente. C'est à ce titre que le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, informé, a instruit immédiatement la brigade de recherche de gendarmerie territorialement compétente de procéder à tous les actes en vue d'élucider et interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées en s'autorisant une qualification hâtive et péremptoire des faits de Karma depuis des milliers de kilomètres au Burkina Faso sont prises sur le déroulement des événements et avant même les conclusions des enquêtes en cours, le président en exercice de la CDAO interfère dangereusement au nom de ses pairs avec l'institution judiciaire du Burkina Faso dont l'intégrité et l'indépendance ne sauraient souffrir de doute. Le gouvernement saurait gré donc de bonnes dispositions que la commission prendra en vue d'un usage prudent et approprié de terminologie porteuse de germes de confusion et d'aggravation des faits. Il interpelle la CDAO sur le respect dû aux institutions du Faso et relève par ailleurs que le rôle de l'organisation communautaire est de préserver la paix et la cohésion sociale alors qu'elle qu'une telle déclaration dans le contexte de guerre asymétrique pourrait dangereusement compromettre les efforts déployés par le gouvernement à cet effet. Le gouvernement du Burkina Faso est profondément attaché à la protection de toutes les populations sans discrimination aucune, vivant sur le sol burkinabé au vivre ensemble entre les communautés et à l'instauration d'une paix durable. À ce titre, il a fermement condamné les actes ignobles et barbares perpétrés à l'encontre des paisibles aux populations de Karma dans un communiqué officiel publié le 27 avril 2023. Le gouvernement, en cohérence avec son esprit d'ouverture et de dialogue, rassure la commission, la communauté internationale et ses partenaires que les autorités de la transition demeurent disponibles pour tout besoin d'information et d'éclairage sur le drame de Karma et réitère sa ferme volonté de faire toute la lumière sur ce drame et tout autre cas présumé de violation des droits humains commises donc sur le territoire burkinabé. Et voilà donc la réponse du gouvernement burkinabé à Omaru Sissoko Embalo qui s'est donc exprimé sur sa page Twitter, a-t-il dit, au nom de la CDAO, je condamne avec une grande fermeté et indignation le génocide, ce personnage perpétrant au Burkina Faso, dont la région de Karma, aussi a-t-il ajouté. Avec mon entière compassion, je présente mes condoléances aux victimes et proches des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les responsables de cette tuerie seront identifiés et jugés par la Cour pénale internationale. Voilà donc quelques propos tweetés par le président Omaro Sissoko Embalo concernant le drame qui a été donc perpétré du côté de Karma au nord du Mali. Alors reste avec vous, tapez Groubera avec la sortie, on va dire une mise en garde du gouvernement Burkina Faso à l'endroit du président la CDAO, Omaro Sissoko Embalo, qui a parlé de génocide. Et voilà donc la sortie, la réponse du berger à la bergère concernant bien sûr le Burkina Faso, qui affirme que le président de la CDAO ne peut faire de telles déclarations sans qu'aucune enquête n'ait été faite. Déjà, comment est-ce que vous avez apprécié la sortie du président de la CDAO après les tueries, le drame qui a eu du côté de Karma dans le nord du Burkina Faso? Bien, merci madame. En fait, il y a ce que nous pouvons dire, des choses qui ont été dites qui sont inacceptables. D'abord, nous allons prendre la question même de la forme. Lorsque M. Embalo s'exprime, on a l'impression que la CDAO est une structure qui est au-dessus des États, ce qui n'est pas normal. Donc la CDAO n'est pas une structure au-dessus des États. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la manière dont M. Embalo a procédé, puisque c'est un tweet que vous venez de lire, je vais rentrer dans le fond par la suite, s'il vous plaît. La manière de procéder, c'est par un tweet que M. Embalo parle d'une situation assez gravissime. D'abord, c'est un manque de respect et de sérieux à la fois pour le vaillant peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, pour les personnes qui ont été sauvagement attaquées. Si M. Embalo voulait véritablement mettre le sens de la responsabilité, ce qui aurait été intéressant, c'était d'envoyer un courrier en bonne et due forme aux autorités du Burkina Faso pour exprimer sa compassion ou bien peut-être sa colère. À la limite, c'était acceptable. Mais ce n'est pas sur les Twitter qu'on appelle les réseaux sociaux qu'il vient pour exprimer cela. Troisième élément, c'est que M. Embalo, qui n'a fait aucune enquête, va s'immixer dans la justice. Ça veut dire que la question de la séparation des pouvoirs, M. Embalo ne la respecte pas. Pense-t-il que la CDAO est au-dessus de toutes les institutions du Burkina Faso? Ça, c'est dramatique. Et c'est inacceptable. Maintenant, prenons le tweet qu'il a fait le 27 avril dernier à 15h53. Ce que vous avez lu, il faut d'abord commencer. Il dit que je condamne avec grande fermeté et indignation le génocide se perpétrant. Vous voyez, ici, c'est le parti président qui a commencé et qui continue. Si on reprend, on va supposer que comme M. Embalo parle pas le français, on va supposer que certainement, il a voulu dire autre chose. Mais tel que c'est écrit, nous voyons que c'est quelqu'un qui maîtrise le français qui l'a écrit. En disant se perpétrant, pas se perpétuer, mais se perpétrant, c'est-à-dire nous sommes dans une continuité. C'est assez grave. Autre élément, il présente donc ses condoléances aux familles des proches victimes et sur leur propre établissement. À la fin, les responsables de cette tuerie seront identifiés et jugé par la CPI. Donc, ce qui veut dire que M. Embalo se met au-dessus de l'État du Burkina Faso, il devient alors le juge, il devient alors le président du Burkina Faso, il devient le ministre de la Justice, et véritablement il sait ce qui s'est passé, puisqu'il a d'abord qualifié les massacres qui ont eu lieu en génocide. Et comme il parle de la CPI, voilà ce que dit la CPI quand vous prenez le statut que j'ai ici pour les gens. Donc dans le statut, si vous le prenez, la page 3, voilà ce que dit l'article 6, dispose crime de génocide. Au fin du présent statut, on n'entend pas crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, meurtre des membres du groupe, attentat grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver l'émergence au sein du groupe, que transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Voilà la notion telle que la CPI elle-même définit le terme de génocide. Ça veut dire que M. Ambalo sait plus. C'est ça qui, au vu de ce qu'il nous a dit, si nous prenons la définition, il sait ce qu'il y en est. Puisque ici, ça veut dire qu'il y a un groupe qui a été identifié et dont se sont perpétrés ces actes sur ces personnes, parce qu'avec un objectif, c'est de détruire cette partie de la population, une partie ou toute la population. Donc son tweet nous montre que M. Ambalo sait plus qu'il en a dit, ou bien qu'il nous donne l'impression de ne pas. Et là, c'est grave. Et je pense que les autorités de Burkina Faso, animées d'une sagesse, ont préféré recadrer M. Ambalo. Mais si nous allons plus loin, puisqu'il parle de la CPI, et je viens de citer l'article 6 qui définit les conditions de ce qu'on appelle un crime de génocide, M. Ambalo sait plus, puisqu'il se précipite seulement à peine une semaine pour dire qu'il y a un groupe de personnes qui ont été identifiées, ou bien un groupe ethnique qui ont été identifiés et que les gens ont voulu au Burkina Faso les effacer, ce groupe-là. C'est ce que ça signifie. Donc, que M. Ambalo aille plus loin pour dire quelle est la communauté ethnique ou bien la communauté linguistique du Burkina Faso qui a été visée et dont les gens voulaient que cette communauté disparaisse. Pour quel motif? Quels sont les objectifs? Quels sont les éléments dont ils disposent? Parce que c'est trop grave ce qu'il dit. Logiquement, si les autorités burkinabées ne sont pas animées d'une sagesse, il serait été intéressant qu'ils portent plainte pour que M. Ambalo vienne dire plus que ce qu'il en a dit au niveau de son tweet. Voilà ce que je tenais à dire d'emblée par rapport à ce tweet que je trouve insultant, dangereux et qui est irrespectueux à la fois des personnes qui sont décédées et du vaillant peuple du Burkina Faso et en général des Africains également. D'autre part, un autre invité, il s'agit de Guissou Pingwendish Boris, il est activiste au Burkina Faso. Bonsoir à vous, cher monsieur. On revient donc sur les tueries ou alors le drame de Karma avec la sortie du président en exercice de la CDAO, Omar Sissoko Embalo. Alors, est-ce que vous comprenez le tweet du président de la CDAO qui, dans un premier temps, a d'abord voulu exprimer sa compassion, mais après a parler de génocide, ce qui a donc courroucé le gouvernement burkinabé, qui a décidé de recadrer le président Omar Sissoko Embalo en rappelant que le Burkina est d'abord membre de la CDAO, mais que le Burkina Faso reste un État souverain et qu'il n'a donc pas le droit d'évoquer une telle affaire par un tweet et surtout que l'affaire subit le coup d'une enquête. Bonsoir à vous une fois de plus, Boris Guissou Pingwende. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les... Et déjà, il faut noter qu'il y a eu un drame et que les âmes de ces victimes les reposent en paix. Maintenant, revenons au comportement de Ambalo, du président Ambalo, et ce n'est pas étonnant son comportement, puisque depuis un certain moment, surtout qu'il a été projeté à la tête de l'institution, il rentre malheureusement dans le tuyau de ses auxiliaires du néocolonialisme aujourd'hui avec Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Les ayant côtoyés l'ont probablement contaminé de cette maladie-là. Et d'Africains indiens qui continuent à ne pas vouloir aller dans le sens des peuples. Revenons sur le drame, et M. Ambalo, depuis un certain moment, et on l'a vu faire le même comportement pas très décent avec la Guinée et Conakry, où le numéro 2 du pouvoir, c'est-à-dire Amara Camara, a dû le recadrer. Et c'est la même situation qui se passe ici au Burkina Faso. Il y a eu un drame, et il y a eu beaucoup de drames comme ça au Burkina Faso, mais on n'a jamais vu s'équiter sur le sujet. Et aujourd'hui, comme ils ont un pouvoir où ils ne s'entendent pas très bien avec ce pouvoir-là, parce que ce pouvoir-là, quand même, a une certaine once de souverainisme, et dès qu'il y a un petit problème, ils veulent jeter de l'huile sur le feu, comme on le dit. Mais la réponse a été à la hauteur de la bêtise, si je peux bien le dire ainsi. Et c'est la première fois, nous sommes sûrs que ça ne sera pas la dernière fois. Parce que la direction que le Burkina Faso essaye de prendre, il faut que nous soyons prêts face à ces genres d'individus à la tête de certains États qui continuent à aller dans le sens contraire de la souveraineté en Afrique. Donc nous comprenons parfaitement son comportement et il y a des problèmes. La justice burkinabé a déjà commencé à des enquêtes. Nous espérons et nous exigeons qu'il y ait une clarté et une vérité sur cette situation, comme tous les drames d'ailleurs, et qu'il y ait justice. Mais cette justice ne viendra pas d'ailleurs. Ça a été fait au Burkina Faso. C'est au Burkina Faso en toute souveraineté de régler ce souci-là. Avec vous, Brice Guissou, selon vous, qu'est-ce qui peut avoir motivé le président Omarou Sissoko Embalo à faire une telle sortie alors qu'il sait bel et bien que le gouvernement burkinabé a entamé des procédures judiciaires dans le but de traquer véritablement les personnes responsables de ce drame? On rappelle aussi que le gouvernement burkinabé en situation de crise ne s'est pas précipité pour pondre un communiqué. Il aura fallu donc attendre 7 jours, puisque le drame est arrivé le 20 avril dernier. C'est après 7 jours que ces derniers ont décidé finalement de se prononcer, affirmant que les coupables seront identifiés et bien sûr punis. Et ils ont d'ailleurs traité ces actes de barbares, Boris Guissou. Clairement, il faut dire que le communiqué est arrivé avec un certain retard, ce qui est déplorable, mais en même temps, en situation de crise comme ça, il faut souvent aller avec la prudence. Et ils ont confirmé qu'il y aura la lumière sur cette histoire, le public qui n'avait atteint cette justice. Maintenant, parlons du président Ambalo. Et dire qu'est-ce qui a motivé cela, il ne faut pas se voiler le visage. Nous sommes dans une guerre. Et où des politiciens autrefois, des présidents, voilà, disons civils autrefois, qui géraient mal le pays, ont fini par pousser les armées à récupérer ce pouvoir-là dans 3 pays du Burkina. Et on espère que bon, et ce sens-là va se propager dans toute l'Afrique où la France-Afrique règne. Maintenant, voyons le cas. Lui-même, il a failli avoir un coup d'état chez lui. Ils sont aujourd'hui sur la sellette de partout en Afrique. Donc, il tente bien que mal à éteindre ces nouvelles flammes de souverainisme qui commence à naître au niveau des forces militaires. Donc, et ça a commencé par le Mali, après la Guinée. Vous voyez ce qu'ils ont fait au peuple malien, les sanctions et autres, les mercenaires venus d'Abidja et tout. C'est le même scénario. C'est le même scénario et ça ne va pas être étonnant pour quelqu'un qui est quand même plongé dans la sphère géopolitique et politique de nos pays. C'est à nous de travailler pour que voilà, la lutte soit dans une certaine justesse, dans une certaine justice pour nous éviter les pièges de ces gars. Boris Nguissou rappelle aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. Vous pouvez donc nous appeler pour essayer de participer donc à cette édition d'appel sur le continent. Nous parlons bien sûr du drame dans la région de Kerma au nord du Burkina Faso avec la sortie du président Omaro Sissoko Embalo qui a donc parlé de génocide concernant les 60 civils donc tué dans cette attaque meurtrière dans cette partie du Burkina Faso. Et donc vous pouvez déjà nous appeler puisque les standards sont déjà ouverts donc concernant cette affaire avec le Burkina Faso. Et donc on parle de la région du Kerma le 20 avril dernier où des civils avaient donc été tués par des personnes identifiées comme appartenant à l'armée burkinabé, ce qui a donc été balé d'un revers de la main par le gouvernement burkinabé. Déjà nous avons un appel. Allô, bonsoir à vous Madame Yao. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir à votre invité, mon frère Monsieur Tapé Goubera, bonsoir aux journalistes, enfin le Burkinabé, j'ai pas retenu son nom qui est avec vous. Je salue l'Afrique et puis je vais dire Yako, hein. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand il y a un deuil, on dit Yako. Donc, je dis Yako à tous nos frères burkinabés. Vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. Des individus qui se lèvent un matin, ils viennent massacrer toute une population. Vraiment, c'est fatigant. L'Afrique est fatiguée. L'Afrique est fatiguée de ce qu'on tue ses enfants tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça se fait par des Africains. C'est-à-dire les Occidentaux sont derrière, ils poussent les Africains eux-mêmes venir massacrer leurs frères. Et ça, c'est grave. Et donc, je dis Yako. Et je dis Yako aussi, parce que le monsieur Embalo, il parle de génocide. Mais monsieur Embalo, il ne vient pas de naître. Il y a un génocide qui s'est fait dans le peuple Ouai, en Côte d'Ivoire, depuis 2011. Les Embalo et leurs complices ont déporté le président Laurent Gbagbo à la CPI. Il a été acquitté. Que Embalo demande à la CPI de juger ou de chercher ceux qui ont fait ce génocide-là. Parce qu'en une journée, il y a eu 800 guerriers qui ont été tués. Que M. Embalo demande maintenant qui sont ces coupables. Puisqu'il n'y a pas de génocide. Vous comprenez? Et quand je dis ça, je demande au président burkinabé qu'est-ce que M. Bodasse fait encore en prison? Le jeune activiste Bodasse, grâce à qui, lui, il est au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait en prison? Un Français a porté plainte contre M. Bodasse. Pour cela, il est encore en prison en Afrique, au Burkina. Pourquoi? Est-ce que Sarkozy est en prison en France là-bas? Est-ce que Sarkozy est en prison? Sarkozy a fait massacrer les Ivoiriens. Un pays, on dit souverain. En direct, il a décollé les avions, venu bombarder les Ivoiriens. Il a bombardé un palais présidentiel. Sarkozy a fait tuer Kadhafi. Est-ce que Sarkozy est en prison chez lui là-bas? Et puis le président burkinabé maintient Bodasse en prison? Il n'est pas clair ce président-là. Il nous fait croire qu'il est panafricain, mais je doute. Oh les cœurs, on y va. Merci donc à vous, Madame Yao. On rappelle que le standard, il est donc ouvert. Vous pouvez continuer à nous appeler pour donner votre point de vue concernant le sujet de ce jour sur les attaques de Karma avec Soutou, avec notamment la sortie du président de la CDAO, Oumaro Sissoko Embalo, qui a donc parlé de génocide et bien sûr la réaction immédiate du gouvernement burkinabé qui a donc appelé la CDAO au respect dû aux institutions du Burkina Faso et également d'aggravation des faits. Le gouvernement de transition burkinabé rappelle que leur rôle est bien sûr de préserver la paix et la cohésion sociale. Alors qu'une telle décision dans un contexte de guerre asymétrique pourrait donc dangereusement compromettre les efforts déployés par le gouvernement à cet effet. On va prendre un autre téléspectateur. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous qui appelez depuis le Burkina Faso. Oui, c'est monsieur Kenom depuis le Burkina Faso. J'appelle précisément la ville de Djibougou. Ça se trouve au sud-ouest du Burkina Faso où nous avons suivi depuis très de loin un peu les événements qui sont passés à Karma. D'abord, je tiens vraiment à témoigner mes condoléances aux familles des victimes et souhaiter propre établissement aux blessés. Maintenant, je voudrais m'établir sur les faits et non spéculer sur des émotions. Il y a les faits qui parlent et on ne doit pas les négliger. Nous avons vécu ces événements au Burkina Faso. Ce n'est pas une première dans l'histoire de notre continent. Ce n'est pas une première au Burkina Faso non plus. Nous nous rappelons que pour les événements de Sévaré, à côté, juste à quelques encablures de Ouagadougou, de la capitale du Burkina Faso, à Sévaré, pays voisin, pays frère du Burkina Faso, des gens se sont vêtus des tenues de l'armée malienne pour aller massacrer des populations. Et on a encore au Burkina Faso des hommes qui se sont vêtus sur les tenues de l'armée burkinabé pour aller commettre ces exactions. À nos moins que nous jouons à l'autruche, mais l'ennemi vient de se dévoiler totalement. Il y a des gens qui ont été expulsés, chassés, extirpés du Sahel. Ces gens n'ont pas encore réussi à digérer cela. Et ces gens n'ont pas un autre coin où aller. Ils sont viscéralement liés au Sahel. Leur avenir, c'est en Afrique. Ils n'ont que intérêt, ils n'ont que l'Afrique, le Sahel, pour rester. Ils sont chassés de partout. Même chez eux, en France, ils sont chassés. Nous connaissons notre ennemi. Maintenant, après les sous-fifres, la 11e colonne, les emballots qui sont emballés comme formatés comme des disquettes qui ne savent même pas réfléchir. Je pense que leur mère devrait plutôt les avorter plutôt que de nous les imposer aujourd'hui. Madame, je vous parle du fond de mon cœur. J'en tremble presque. Mais j'ai honte pour Ambalo, j'ai honte pour ceux qui ont commis ce massacre-là. Parce que rien ne pourra prendre le dessus sur ce peuple aussi déterminé que le nôtre. Je suis burkinabé et je suis aussi déterminé. Ils tueront des Burkinabés, mais ils ne tueront pas tout le monde. Ils ne peuvent pas. Bon, Malé l'a dit, Robert Nesta Malé l'a dit, vous ne pouvez pas cacher le soleil de votre propre main. Ce n'est pas possible. Tôt ou tard, ils finiront par reconnaître qu'un peuple debout, rien ne peut contre. Merci madame, vive Afrique Média, le monde. Merci également à vous, cher monsieur. Courage donc aux populations burkinabées, notamment à la population de Karma qui a été donc touchée par ce drame. C'était le 20 avril dernier. Vous pouvez toujours continuer à nous appeler pour nous donner votre point de vue sur le sujet de ce jour concernant la sortie d'Oumaro Sissoko Embalo, le président en exercice de la CDAO. Et selon donc les autorités burkinabé, il s'agit d'une sortie hâtive et péremptoire. Alors nous avons en direct Madame Cissé qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonsoir à vous, Madame Cissé. Oui, bonsoir Christelle Wendy. Bonsoir à Tapé Goubera et bonsoir à tous les techniciens Afrique Média. et tous les appelants aussi. Vraiment, ce qui se passe, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne vous apprends rien, nous avons subi la même foudre, les mêmes affres de cette communauté internationale et puis de cette maudite CDAO. Nous l'avons vécu ici. Et comme la sœur l'a dit, Madame Diaw, que je salue au passage, il y a un génocide qui est là, qui est devant eux. Ils ne réagissent pas. Et ils sont en train de couvrir même les auteurs même de ce génocide. À l'époque, nous avons subi cela. On espère qu'elle reviendra pour aller au bout de sa pensée. En attendant, vous aussi, vous pouvez nous appeler pour nous dire votre pensée concernant ce massacre de Karma et surtout la sortie du président de la CDAO. Et donc, elle est revenue, Madame Cissé. Allez-y, on vous écoute. Les éternels esclaves de la France, les gens qui ont été nourris à la mamelle nourricière de la France-Afrique, ce qui les empêche même de réfléchir, ce qui font qu'ils n'ont aucune personnalité, ils n'ont aucune morale, ils ne comprennent rien. Jean-Pierre nous a fait ce coup-là, quand les forces loyalistes elles engrangeaient des victoires, du coup il y avait un rapport de l'Union africaine qui les accablait. Ainsi de suite, nous avons vécu aussi la malhonnêteté, la corruption de Goodluck Jonathan qui était en son temps, et c'est pas quoi de la CDAO. Et c'est ici. Mais je suis heureuse que Dieu, les Africains, avec ce que nous vivons, on dit en toute chose, il faut savoir tirer les leçons. Et les Africains tirent les leçons de ce qui les arrive. Et c'est ce que les Ivoiriens ont vécu. Dieu merci que aujourd'hui, il n'y a pas de frères africains qui vont aider la France à déstabiliser les autres. Et Dieu merci, c'est bon. Mais quand il s'agit de Ambalo, c'est pas nouveau. Voilà des gens qui ont décidé volontairement de se soumettre, de vivre dans la servitude, de vivre dans l'esclavage. Ils ont décidé de nier ce qui est la vérité et de se mettre du côté de l'oppresseur. Et c'est ici. Est-ce que les Africains doivent continuer d'accepter cela? Non. Et quand on a écouté les confessions des terroristes, le Mali a des enregistrés, des vidéos sur les confessions des terroristes. Et au Burkina également, il y a des terroristes qui sont confessés, qui accablent l'armée française, la MINUSMA, je sais pas, ces armées de merde qui sont au Burkina, qui paradent là-bas dans le Sahel, qui les accablent et qui disent que les Français sont ceux-mêmes qui arment les terroristes. C'est eux qui donnent les moyens logistiques, toute la logistique aux terroristes. Il y a quoi encore qu'il faut démontrer? Qu'est-ce qu'il faut démontrer encore? Mais Dieu merci, nos chefs d'État sont invités. Il faut maintenant renouer de partenariats. Il faut relancer, appeler d'autres pays à la rescousse. Parce que c'est une guerre. Nous sommes, comme on le dit, il y a un appelant qui aime le dire, genre, nous sommes en guerre. Et c'est la guerre qui est lancée là. C'est la guerre pour les richesses, c'est la guerre pour l'espace, c'est la guerre et nous pour l'eau également. Nous sommes en guerre. Et au Burkina Faso, si vous n'avez pas les moyens pour lutter, il faut faire appel à des puissances comme la Russie est là déjà, la Chine est là. Tendez la main à d'autres partenaires parce que c'est évident, ce n'est plus à nier, c'est la France et les Européens qui sont les terroristes. Ce n'est pas un débat. Parce que c'est lui qui veut nier cela, qui vient et il va apporter la contradiction. Nous avons des vidéos. Est-ce qu'il faut encore s'attarder sur les dits de Ambalo? Ambalo, il est vendu. C'est les gens lobotomisés. Il ne peut pas faire autrement. C'est la nature. Il est lobotomisé. C'est des gens qui haïssent, ils haïssent l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi, pour ce complexe d'autorité qui développe devant un bloc. On point de ne pas voir que c'est des Burkinabés qui sont ces frères de même sort qui ont été tués par des complices de l'Occident. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Au président burkinabé qui est là, que je vois à l'écran, il faut renouer des partenariats, sinon tout le peuple va périr. C'est des gens, c'est leur manière de faire, ils ne vont pas changer. On dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et s'il va de leur suivi, c'est pour ça, il va de l'avenir de leur peuple. Et c'est ici, Maintenant, si vous lancez, il est en train de rapporter les... Non, un démenti, c'est Ambalo. C'est qui a tué? Ils ont les informations. Maintenant, j'invite ce Ambalo là, et puis ceux de l'Afrique, les, comment dirais-je, l'Union africaine là. Ce qui se passe au Soudan là, pourquoi vous êtes indifférents? Le Soudan fait une partie de l'Afrique. Les médecins après la mort. Qu'est-ce que l'ONU lui a? Qu'est-ce que la FEDEAO? On va poursuivre avec les appels. Vous pouvez donc participer à cette édition d'appel sur le continent avec le débat sur le massacre de Karma au Burkina Faso et surtout la sortie d'Oumaro Sissoko Embalo, le président de la CEDEAO, alors que nous avons un intervenant. Bonsoir à vous, monsieur ou madame. Allô, bonsoir. Alors, on va dire aux téléspectateurs que les standards restent donc ouverts. Ils peuvent nous appeler pour participer à cet échange. On va avoir notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allô, bonsoir, madame. Je prends la parole pour vous dire que ce serait quand même étonnant quand les gens jusqu'ici... trouve que Ambalo est un Africain, lui c'est un Français de peau noire. Donc, il ne peut qu'avoir des agissements pareils. Et puis, deuxièmement, je voulais parler de M. Potassé, que Ibrahim Traoré jusqu'ici n'a pas trouvé les moyens pour le faire sortir. Ça, c'est comme ça. Donc, pour conclure, je dirais que quand vous parlez de Ambalo, voilà, Ouattara, tout ça, ce sont des Français. Ils ne peuvent que évoluer de pair avec les idées sorcières des Français. Donc, c'est ça, madame, s'il vous plaît. Donc, ne soyez pas étonnés qu'ils portent cette veste sorcière. Donc, je vous prends congé, donc à bientôt. Cher monsieur, on va revenir pour les appels dans quelques instants. Le temps pour nous d'avoir Roland Bayala, activiste également du côté du Burkina Faso, pour revenir sur cette sortie d'Oumaro Sissoko Embalo avec les autorités donc burkinabé qui ont décidé de réagir au communiqué du président de la CEDEAO. Les autorités qui ont donc trouvé cette sortie hâtive et péremptoire. Alors bonsoir à vous, Roland Bayala, et voilà donc l'actualité qui a été posée sur la table d'appel sur le continent. Alors selon vous, du moins quelle analyse faites-vous, surtout de cette sortie d'Oumaro Sissoko Embalo et aussi des autorités du Burkina Faso qui ont décidé de recadrer le dit dirigeant? Bonsoir une fois de plus. Il est là. Ouvre. Bayala, on va prendre cet autre appel. Malheureusement, il est parti, certainement des problèmes de liaison. Vous pouvez toujours nous appeler pour essayer donc de participer à cette édition d'appel sur le continent. Bonsoir à vous, cher monsieur. Oui, bonsoir, madame. Je me présente, moi je me nomme Mamatunde. J'appelle du Togo. Ok, bonsoir. Par rapport au sujet, ouais, à mon niveau aussi, j'aimerais dire deux choses. Ah, ok, merci. Par rapport au massacre de Karma, moi, personnellement, je suis convaincu que le VDP, le Burkina Faso, et l'armée régulière n'allant pour rien. Bon, normalement, on doit attendre d'abord la fête des enquêtes pour pouvoir statuer, mais moi je suis convaincu, étant un pro-africain, je suis vraiment convaincu à l'heure que armée qui défend la population avec amour n'ont rien à voir. Il y a une même loi derrière. Et nous, ça savons particulièrement, ou bien qu'il y a une main noire, et avec l'aide de Dieu, bientôt, on saura qui a fait ça. Donc, pour les propos du président de la CEDEAO, Omaro Sissoko, moi, je pense que les autres qui ont intervenu ont déjà beaucoup dit. Donc, on n'attend pas grand-chose de ce président-là. Intervention. On rappelle que les procédures judiciaires sont en cours telles qu'annoncées par le gouvernement du Burkina Faso, raison pour laquelle ils ont jugé d'active et de péremptoire les sorties sur son compte Twitter du président de la CEDEAO, Omaro Sissoko Embalo, qui a donc parlé de génocide, a vite fait de conclure alors qu'une enquête est en cours. On va prendre notre appelant. Bonsoir à vous, cher monsieur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis certainement de liaison. On va prendre notre appelant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Philippe Ménage. Bonsoir. Vous êtes en direct, allez-y. Nous disons bonsoir, nous saluons. D'accord. Nous vous saluons et nous disons bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et vos invités de l'autre côté. Bon, par rapport à M. Embalo, nous pensons que M. Embalo fait partie des gens qui complotent contre l'Afrique. Ils sont nombreux. Bon, avec nos téléspectateurs, alors que vous êtes en direct de la télévision panafricaine, on parle donc du massacre ou alors du drame de Karma avec la sortie des autorités burkinabées qui ont donc décidé de recadrer Omaro Sissoko Embalo qui dans un tweet a parlé de génocide. Nos téléspectateurs est donc en direct. Allô, bonsoir, on vous écoute, allez-y. Oui, bonsoir madame. Donc nous disons que par rapport à M. Embalo, M. Embalo font partie des gens qui complotent contre l'Afrique parce que nous ne voyons pas sous quelle mesure l'EU s'auto-déclare c'est une génocide qui a eu au Burkina Faso pendant 7 ans. Les autorités burkinabées n'ont pas pu amener d'abord les enquêtes pour déclarifier honnêtement ce qui s'est réellement passé. Et nous voyons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Embalo n'a pas pu mettre le moyen à la disposition du Burkina pour lutter contre le terrorisme. Et par contre, il est le bienvenu à chaque fois pour venir intervenir pour dire, voilà ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il apporte en Afrique, lui? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Quand il regarde autant de massacres, ça fait plaisir, en fait. Ça les fait tous plaisir. Nous, on est fatigués de déclaration. L'État burkinabé devait prendre une mesure, interpeller l'ambassade de la Guinée-Bissau pour qu'il s'explique par rapport à ça, ainsi que celui de Niger, par rapport aussi de la création de général. Mais nous avons l'impression que Ibrahim nous abandonne, en fait. Voilà M. Podassé qui est en prison depuis bientôt 3 mois. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Et est-ce qu'Ibrahim nous écoute? C'est nous qui l'avons amené là. Hein. Ce n'est pas de sa volonté qu'il est là. C'est le peuple africain qui a voulu qu'il soit là. S'il ne fait pas notre volonté, on lui dégage, on met notre personne. On en a marre de garder les Africains, les panafricains jusqu'au jour d'aujourd'hui en prison. Qu'est-ce que Podassé a fait pour mériter d'être là où il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Ibrahim nous fait? Il croit qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui pouvait faire mieux que lui. Qu'il les arrête de nous emmerder. Quand vous venez pour travailler pour le peuple, prenons-nous au sérieux, prenez le peuple au sérieux. Qu'est-ce que M. Podassé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut prouver à qui? Il veut faire plaisir à qui, mon Dieu Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'interpelle pas l'ambassade du Niger, il n'interpelle pas l'ambassade de la Guinée, il fait des petites déclarations. Tu t'es engagé pour libérer l'Afrique, il faut être un homme dur et un homme fort. La légèreté ne peut rien arranger. Ces gens-là, c'est des gringos. Il n'y a pas la diplomatie avec eux. S'il n'y a pas la diplomatie avec les Embalo, c'est d'aller droit au but. C'est des gens qui ont la conscience qu'on peut avoir les moyens de faire la diplomatie avec eux. Ceux-là n'ont aucune conscience pour l'Afrique. Prenons nos responsabilités. Si vous êtes responsable pour libérer l'Afrique, soit vous êtes venu faire votre jeu, vous libérez les autres personnes. Nous allons continuer. Nous ne comptons pas seulement sur vous. Nous ne vous prenons pas comme le Dieu. Vous n'êtes pas notre Dieu, Ibrahim, ni M. Assimi Goïta. Si vous ne faites pas ce qu'on veut, on vous dégage, on met d'autres personnes. Vous pensez que quoi? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Mbalo, c'est qui? Il a apporté combien pour la contribution pour aider le peuple burkinabé ou le peuple nigérien pour lutter contre Boko Haram? Son pays sert à quoi? Lui-même, il est pourchassé chez lui, c'est la CEDEAO qui le garde là-bas. Il est aimé par qui? Par quel Guinée-Bissau? La CEDEAO envoie plus de 3000 soldats pour assurer sa sécurité. Toi, tu es un président ou bien tu es un étranger chez toi? Si c'est les autres qui doivent venir assurer ta sécurité. Et tu es le premier à faire des sorties calamiteuses. Ils nous font honte, ces gars-là. Ils font honte toute l'Afrique. Abat tous les impérialistes, à tous ceux qui dirigent l'Afrique dans le mauvais sens. Abat-le. Nous allons prier contre ces gars-là. Ils nous emmerdent. Vous voyez les Africains mourir tous les jours. Ça les fait, ça les met pas, même pas du tout un peu. Ils sont contents de voir dans les salons feutrés à Paris, à gauche, à droite, les idiots. Vous croyez que vous n'allez pas mourir, vous allez vivre 1000 ans? Vous allez mourir. Comme tous ceux qui sont abattus comme des mouches là, vous allez aussi partir autrement. Comme Dieu a décidé pour vous. On en a marre de ces gars-là. On en a marre. Ils nous fatiguent des images comme ça, madame. Évitez de nous diffuser cette image-là, pardon. Ça nous choque, au fait. C'est un peu trop. C'est un peu trop de voir nos frères comme ça. C'est un peu trop. On ne peut plus supporter ça. C'est trop. Merci, madame. Bonne continuation. Que Dieu veille sur vous. Merci également à vous, cher monsieur. Alors, les appels se poursuivent alors que Tapé Goubera, il est toujours en ligne. Alors, Tapé Goubera, selon vous, qu'est-ce qui peut avoir motivé le président de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Embalo, à prendre une telle décision, telle que jugée hâtive et péremptoire par le gouvernement burkinabé, puisqu'il a vite fait d'évoquer un génocide sur cette affaire ou alors sur ce drame du côté du nord du Mali, notamment dans la région, dans la ville de Karma. Merci. Je voudrais avant tout saluer d'abord mes soeurs, Mme Yao, Mme Cissé, qui ont dit des choses très importantes et très intéressantes, et je pense auxquelles les autorités du Burkina Faso doivent faire attention. Pourquoi je dis cela? Parce que ce qu'elles ont dit, en réalité, quand une situation est arrivée quelque part, il faut faire attention pour ne pas que la même situation se produise. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles viennent faire cette comparaison, mais c'est une manière d'éclairer la situation. En fait, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que depuis le 5 mai, c'est-à-dire, enfin, pardon, depuis le, comment on appelle, le 2 mai, merci, depuis mardi, donc, Amnesty International a fait sortir un communiqué. Et le communiqué est libellé, Burkina Faso, la responsabilité de l'armée pointée dans le massacre de Karma. Ce qui veut dire, en réalité, M. Embalo s'est inscrit, comme l'ont dit les nombreux intervenants, dans un complot qui est ourdi contre le Burkina Faso. Et quand vous parcourez le communiqué de Amnesty International, où nous qui avons vécu le drame en Côte d'Ivoire, c'est la situation identique. Parce que vous voyez Amnesty International interroger des personnes. J'ai lu, par exemple, je prends le cas d'un certain Moufou, un survivant, qui raconte une histoire qui me rappelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Que les gens les ont réunis, on voulait les tuer. Lui, les gens ont pensé qu'il était mort, il s'est couvert du sang des autres, et lorsque les gens sont partis, lui, il était survivant. Ça me rappelle un peu comment les gens ont procédé en Côte d'Ivoire pour que la situation ait, comment on appelle, que le président de l'Angola, le ministre de l'Angola, ait été déporté. Donc, c'est par vision que ces soeurs-là sont intervenues, et je pense qu'il faut faire attention. Parce que ce qu'elles ont dit, c'est très important. Monsieur Embalo, ce n'est pas au hasard qu'il a parlé de génocide. Dans le communiqué de Amnesty International, il parle des crimes de guerre. Vous voyez qu'en réalité, nous sommes dans les éléments qui réunissent ce qu'on pourrait appeler les crimes contre l'humanité. Et que la CPI a seulement le droit, d'après eux, de pouvoir juger. Pour vous dire qu'en réalité, c'est un complot ourdi, puisque nous voyons le cheminement, parce que Amnesty International et Human Rights sont ceux-là même qui sont des sources du procureur de la CPI. Quand vous lisez tout ce qui s'est passé, notamment le livre par exemple de Juan Branco, ce ne sont que les deux sources, enfin, principalement les sources, qui vont toujours animer une soi-disant une ouverture d'enquête qui va, par rapport à ce sujet, en ce qui concerne la situation, peut-être au Burkina Faso. Donc, l'intervention de M. Ambalo, elle n'est pas fortuite, et je pense qu'il ne faut pas la prendre à la légère, parce qu'il y a un conflit qui est aujourd'hui, et c'est le cheminement. Quand nous faisons le parallèle avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était ça. Puisque la CDAA joue ce même rôle-là, et c'est ce que M. Ambalo est en train de faire. Parce que ce qu'il faut, c'est de dire que, oui, vous voyez, c'est une institution de la région, notamment la CDAO, qui elle-même déjà a parlé de génocide. Nous ne pouvons que être auto-saisis, ou bien nous pouvons que nous saisir pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons aller faire des enquêtes. Et comme, quand ils le disent, déjà Amnesty International, comme je dis dans son rapport, a déjà 3 ou 4 personnes qu'elles ont interviewées qui seraient les rescapées, soit dit en passant, alors ce sont ces rapports-là qui vont être amenés là-bas. Et ça va être, ça dit, on va faire perdre du temps aux voyants du Burkina Faso. Parce que l'objectif de ces gens qui sont tapis dans l'ombre, c'est d'empêcher que le Burkina Faso, dont je rappelle que 40% du territoire était dans la main des voyous, que eux-mêmes appellent les terroristes. Il a fallu l'avènement du capitaine Traoré pour qu'aujourd'hui le Burkina Faso commence à se doter des outils et des moyens pour permettre de libérer le pays. Et comme il voit que c'est une situation qui est en train d'arriver et que la libération elle est imminente, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distraire les gens. On va armer des voyous, parce que quand on lit le communiqué tel qu'on dit, c'est des gens qui sont arrivés à moto, habillés, et vous avez quelque chose qui m'a quand même étonné, c'est que l'un des survivants dit que les gens sont arrivés avec des épaulettes, avec des, c'est dans le communiqué, je parle bien du communiqué de Amnesty International, des têtes de mort. Comment des militaires de l'armée du Burkina vont venir avec des crânes de mort. Autre élément, dans le même communiqué, on nous dit que c'est les gens de la BIR, la brigade d'intervention rapide, qui ferait partie de Ouagadougou. Il y a une véritable contradiction parce qu'on nous dit que dans cette région, les gens de VDP ont été attaqués et que véritablement, les terroristes ont dit aux gens de partir et que, de ce fait, l'armée est revenue pour pouvoir, soi-disant, venger l'attaque qui a eu lieu. Et donc, comme ils ont trouvé les populations de la région de Karma qui n'ont pas bougé, ils l'ont dit, alors, donc, ces populations sont en connivence, d'autant plus que les localités voisines ont déserté. Voyez ce complot, tout simple, stupide, ou dit, et qui a été commencé, dont M. Ambalo Ami a commencé à mettre en exécution il y a depuis le 27. Voilà ce qu'il faut retenir, et ce que disent les téléspectateurs, ce n'est pas faux, c'est juste, parce que M. Ambalo, il vient en portant la casquette de dire que moi, en tant qu'Africain, quand je dis, c'est que c'est la vérité. Si les autres le disent, vous n'avez pas besoin de vous plaindre, d'autant plus que moi-même, en tant que responsable de la CDAO, j'ai vu, ou bien j'ai des informations toutes faites. Alors, on ne peut qu'accuser l'armée burkinabé, cette armée qui est là, qui est venue, et qui a fait, bon, ils vont dire, qui est un coup d'État, et qui en fait, qui est illégitime, et qui est là en réalité, qui ne fait que s'enrichir, ou bien faire autre chose que ce qu'elle doit faire. Voilà un peu le complot qui a commencé. Donc, le communiqué, je crois que mon frère tout à l'heure qui a parlé avant moi a dit que le gouvernement a mis du temps, mais je pense que le gouvernement doit prendre la mesure de l'urgence de cette situation et ne pas prendre les choses à la légère en disant M. Ambalo qui n'a qu'à se mettre dans son cadre. Non, M. Ambalo est dans un autre cadre, une autre vision, c'est de faire de telle sorte que le Burkina Faso puissent être accusés, les autorités puissent être accusées, parce que, je vous dis, il y a, depuis le 2 mai, depuis le mardi 2 mai, Amnesty International a emboîté le pas. Peut-être que si nous allons voir peut-être celui de Human Rights, dans la même ligne, parce que ce sont eux, c'est bizarre, ça dit qu'eux, ils ont là tellement la possibilité, ils ont été plus rapides même que l'État burkinabé, aller déjà pour aller enquêter, pour aller avoir les voix, ou bien les témoignages des personnes qui ont été rescapées. Voilà le schéma dans lequel nous sommes, et soyons vigilants, vigilants et vigilants. Parce que, comme disait à l'époque le président Laurent Gbagbo, le serpent n'est pas mort, donc il ne faut pas laisser tomber le bâton. Soyons vigilants. Tapé Roubera, on va poursuivre avec les appels, déjà un appelant en ligne. Allô, bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir, chère madame. C'est M. Aboud de l'Angleterre. Je suis tellement content d'être venu pour la première fois à votre émission. Je salue tous les appelants et en particulier votre invité, M. Tapé Goubira, mon confrère, et aussi demander à la justice burkinabé de libérer le combattant Poudassé, hein, parce que en ce plein 21e siècle, on ne peut pas comprendre que un panafricaniste soit mis en prison juste pour la la parole, c'est-à-dire que juste pour un commentaire qu'il a fait, alors que nous savons que la télévision française font faire des commentaires où on demande même la mort à Poutine sans mettre un journaliste en prison et tout. Donc que Ibrahim, le président Burkinabé, cesse de vouloir faire plaisir en ce plein 21e siècle là aux mêmes occidentaux qui n'ont pas à qui on ne fera jamais plaisir parce que ils s'en foutent de ce qu'on pense de toute façon. Ils font toujours ce qu'ils veulent sans nous tenir compte de notre avis. Donc il faut qu'on arrête ce jeu là et aussi m'exprimer devant toutes ces victimes du massacre qui que on sait que ce sont les Français qui sont derrière. Donc nous disons que ce sont des Africains de trop et c'est en ce sens là que nous sommes consternés, nous sommes très fâchés contre le président Ibrahim. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons dit quoi? Dès le début, nous avons dit que le Mali a déjà montré un exemple qui marche. Que nous sommes en plein 21e siècle, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Que ce n'est pas une faiblesse d'avoir un partenaire comme la Russie. Demander à se faire protéger par la compagnie de sécurité qui marche en ce moment. Que c'est pour faire l'économie des morts. Parce que si la Russie était là, ce massacre-là n'aurait pas lieu. Pourquoi? Parce que le service secret allait empêcher que russe allait empêcher que ce massacre-là tienne place. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que, compte tenu de l'exemple ivoirien, compte tenu de l'exemple malien, compte tenu de l'exemple libyen, compte tenu de l'exemple centrafricain, que Ibrahim n'a pas trop l'heureux. Compte tenu de l'exemple qui naît et tout, qu'il y a trop d'exemples qu'il faut qu'il vienne à un moment où lui, il doit être en même de faire un parcours sans faute. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La France, on a dit, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. On a dit quoi? Que quand, à partir du moment où la France est contre le pouvoir, elle va user de tous les moyens comme elle l'a fait en Côte d'Ivoire, elle va créer des massacres pour t'accuser et t'emmener à la CPI. Elle va faire tout pour qu'il y ait une rébellion. On a dit tout. Donc, on ne peut pas, en ce plein 21e siècle-là, ignorer tout ça. Ce sont les muscles qui vont se combattre la France. Alors qu'on connaît toutes les manifestations de la France. Et on ne peut pas faire cette erreur. Et on sait, la plupart de la France, c'est quoi? C'est la Russie. Et pourquoi ne pas faire l'économie des morts? Se laisser massacrer, sachant qu'on aura toujours des suppôts africains qui vont venir défendre la France comme Mbalo et qui vont venir défendre la France, alors que ce même Mbalo, hier, il a demandé quoi? Il a demandé qu'il y ait une force africaine contre les coups d'État. Mais jamais il a demandé qu'il y ait une force africaine contre les terroristes. C'est-à-dire que le Burkina essaie de se défendre seul, il n'a rien fait pour défendre le Burkina, mais il est pauvre. Et zélé à indexer le Burkina, être le premier à gérer le Burkina, que le Burkina soit en train de faire des trucs contre le droit de l'homme. Mais tiens, ces gens de tête-là, il faudrait qu'on comprenne maintenant que dans nos constitutions africaines, on doit mettre ce qu'on appelle un acte patriotique, que tout gens africain qui va se laisser maintenant à ce jeu-là, ce jeu de supporter les Français dans la destruction de l'Afrique, de facto est un terroriste et un ennemi de l'Afrique à abattre. On ne discute pas eux, on doit faire tolérance zéro. Mbalo, on doit l'interdire de parler même dans les affaires africaines, parce que si tu, comme on le dit encore une fois, si tu ne peux pas arranger, il ne faut pas déranger. Donc, il a dérangé en plein 21e siècle après un massacre comme ça, quand on sait que les Français sont toujours habitués à créer des faux massacres comme ça pour attaquer les États africains, pour les détruire, pour les déstabiliser. Et lui, il s'attend à ce jeu-là. Il faut dire que c'est un ennemi à abattre, c'est un terroriste, que c'est inacceptable son comportement. Et nous, Africains, on ne doit plus accepter que ces suppôts-là viennent par leur intervention détruit l'Afrique en ce plein 21e siècle-là. Donc nous, pour résumer et pour conclure, nous disons que vraiment que Iban arrête de rêver que seul il peut défendre le Burkina, qu'il aille maintenant, sans plus tarder, faire comme le Mali, il suive les hommes maliens, et que aussi que Mbalo soit un homme un plan non grata au Burkina et compté comme ennemi du Burkina. Et puis l'Angleterre, vous pouvez faire comme lui en nous appelant directement, appel WhatsApp uniquement pour pouvoir donc exprimer le fond de votre pensée concernant le sujet du jour sur le massacre de Karma. Alors que nous avons Sani du Niger qui nous appelle actuellement. Bonsoir à vous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Vous allez-y, bien? On vous écoute. D'accord. Je crois que ce qui a lieu de dire, c'est que le président de la CEDEAO, c'est normal qu'il réagisse, mais c'est qu'il a parlé avant d'une enquête. Et c'est ça le problème. Donc ici, il y a lieu de savoir que la France peut vouloir démontrer que sa présence est nécessaire au Burkina Faso. Et encore, cherche à le démontrer que sans sa présence au Sahel, il n'y aura pas de paix. Et c'est là le problème. Le but de tout ça est de déstabiliser le Sahel. Je vous apprends que les forces françaises se sont positionnées au Tchad, à la frontière avec la RCA. Officiellement, parce qu'il y aurait une menace de déstabilisation du Tchad en provenance de la RCA. Je vais vous le démontrer après que si les rebelles tchadiens refusent de faire le jeu de la France, eh bien vous allez voir, c'est à partir du Soudan que des djihadistes vont rentrer au Tchad pour faire la déstabilisation. La France est décidée, depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan, qu'il n'y aura pas de paix. Parce que ce sont précarés, hein. C'est comme ça. Au Mali, ils sont en Centrafrique, ils sont au Soudan, et là où ils se trouvent, il y a toujours la trace des Français. Avec Sani du Niger, alors qu'on parle du Burkina Faso ce mercredi avec les attaques de Karma, les autorités donc burkinabé qui ont décidé de réagir au communiqué d'Omaro Sissoko Embalo de la CEDEAO. Et donc le standard, alors les standards sont ouverts, vous pouvez nous appeler WhatsApp uniquement, alors que nous avons déjà un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir à vous, cher monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Voilà, je suis actuellement à l'émission. Bon, je vais vraiment intervenir en direct. Bon, c'est pas un souci. Je vais me prononcer sur le cas du Karma au Burkina, là. Voilà, il faut dire que actuellement, le Burkina est scellé. Le Burkina est vraiment scellé parce que le Burkina est en train de s'adonner à une politique de deux poids, deux mesures avec le Mali. Ce qui n'est pas dit en réalité, c'est que Ibrahim est en train de mener une autre politique de souplesse. Au lieu de d'unir sa politique on espère qu'il nous rappellera pour terminer sa pensée concernant le sujet du jour. On va directement prendre notre téléspectateur. Bonsoir à vous, cher monsieur. Vous avez l'antenne. Oui, allô, bonsoir Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Je salue toutes les panélistes en ce moment de l'Afrique. Je salue tous ceux qui qui sont là pour lutter contre la libération de l'Afrique en total. Par rapport à ce que j'aimerais commencer à dire à propos de Burkina Faso, il faut que le président Ibrahim Traoré s'assume. Parce qu'on n'a rien à foutre à ce moment de ce qui est genre. Si c'est Moro à Poilové, on sait tous qu'à Moro à Poilové, il roule pour la France. C'est ça la réalité. Nous sommes tous en ce moment en train de faire de notre mieux pour quitter cette francophonie, pour quitter la France. Trop c'est trop en ce moment, trop c'est trop pour la réalité. Merci beaucoup, Afrique Media. Si les standards restent donc ouverts avant de donner la parole donc à Tapé Groubera, on va prendre quelques appels encore. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média TV. Et merci à monsieur Tapé Groubera pour ses analyses. Vous savez, toujours Linda a dit sur le plateau que la France ne va pas partir aussi facilement de l'Afrique. À tout moment, elle dit ça. La France est en train de perdre, mais elle n'ira pas aussi facilement. Vous savez que Ambalo, il est en mission pour l'Elysée. Et la voyousie qui prévaut dans le Sahel profite à tous ces dirigeants africains-là. Tous ceux qui résonnent contre ces jeunes qui veulent libérer leur pays des bandes et des terroristes, ça leur profite. Il y en a qui vendent des armes, il y en a qui vendent la drogue, ça leur profite. Si cela ne leur profitait pas, pourquoi des présidents noirs, africains, ouest-africains, prendront des mesures contre les homologues qui souhaiteraient libérer leur pays? Oh, je ne comprends pas. Ça leur profite. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas surpris de la réaction de M. Mbalo, parce qu'il est en mission pour l'Elysée. Toutes les armes qui fuitent en Ukraine, on les retrouve en Afrique, mais ça vient comment? Tout cela sont des connivences. Donc, on a intérêt à faire attention, à supporter nos présidents, à les soutenir dans leur combat pour que vraiment le combat qu'ils mènent là n'échoue pas. Voilà ce que je voulais dire. Donc merci à vous et puis bonne émission. Merci également à vous vivement que le combat mené n'échoue pas tel que vous l'avez annoncé. Encore quelques appels et nous allons directement retrouver Tapé Groubera pour continuer avant de mettre donc un terme à cette édition de ce jour concernant bien sûr le massacre de Karma ou alors le drame de Karma avec la sortie jugée hâtive de Oumaro Sissoko Embalo, pas bien sûr les autres autorité burkinabé, alors que nous avons un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Ok, moi c'est Traoré Ousmane depuis la Côte d'Ivoire. On remercie beaucoup les téléspectateurs ainsi que les invités d'Afrique Média. Ils nous permettent vraiment de nous informer sur l'Afrique. Vraiment, c'est un bon pion. Que Dieu leur donne toujours la force. Maintenant, j'aimerais dire concernant le Burkina qu'un point est très, très essentiel. C'est que le Burkina Faso doit se mettre dès maintenant avec le Mali et essayer de bien collaborer avec le Tchad afin d'encercler les zones rouges. Parce que c'est très, très dangereux actuellement. Tous ces massacres sont exécutés par la France. Ils vont d'abord salir l'image d'Ibrahim afin de révolter l'opinion contre lui, sincèrement, parce que ce que nous voulons voir là, ici, vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Donc c'est bien maintenant qu'Ibrahim doit prendre une décision afin de mettre avec le Mali et avec le fils de Gbagbo. Notre cher panafricain nous disait récemment que Ibrahim a signé des contrats avec l'Américain afin de la Burkinabé. Ça, c'est un piège. L'Occident collabore avec l'Amérique. C'est les mêmes veines. C'est les mêmes veines. Donc là. Taper Groubera. Alors, taper Groubera, il y a des téléspectateurs qui ont affirmé qu'il était un peu souple, là, le chef de la transition, Burkinabé. Est-ce que vous partagez cet avis, puisque pour ces derniers, c'est une stratégie mise sur pied par les Occidentaux pour faire comprendre que véritablement, sans eux, certains pays, à l'instar du Burkina Faso, ne sont rien, notamment la France, selon certains, qui a mis sur pied des stratégies pareilles pour pouvoir revenir dans ces pays-là où ils sont considérés comme des persona non grata. Ben, je n'irai pas loin pour dire que le président du Burkina est faible, d'autant plus que je ne suis pas au Burkina, je ne connais pas le contexte, etc. Et je ne peux même pas me permettre cela. Et je pense que, en fait, il est au fait de l'information militaire de formation. Ensuite, chef d'État, donc il a beaucoup d'informations. Et c'est une situation qui est délicate. Parce que les ennemis de l'Afrique utilisent ce qu'on appelle un narratif communicationnel pour dépeindre. Aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à vous et d'autres médias, mais surtout grâce à Afrique Média, de répondre et d'empêcher ou bien d'essayer de parer au plus pressant par rapport aux narratifs qui sont faits et dont l'objectif est de présenter souvent nos autorités ou bien nos institutions comme des institutions criminelles ou bien des institutions qui ne sont pas démocratiques parce que les autres veulent faire du business sur nous. C'est ça le véritable problème. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui de nous exprimer sur Afrique Média et au moins de partager notre petite connaissance et nos informations que nous avons pour que les gens sachent qu'en réalité, c'est qu'il y a eu un procédé, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai salué mes soeurs, Mme Yao, Mme Cissé, qui, ayant été instruit de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, c'est un parallèle qui est là et nous demandons aux autorités d'être vigilantes. Et que leur réaction doit être une réaction qui doit être très réactive, pour ne pas utiliser le même mot. Parce que ce qui se passe, comme je l'ai dit, le serpent n'est pas mort, il ne faut pas laisser ça. D'aucuns vont dire, mais écoutez, puisqu'on nous parle, je vous ai dit, quand je lis l'intégralité du communiqué de Amnesty International, je vous ai dit, c'est des gens qui viennent de Ouagadougou, après leur forfait, on les a aperçus à 5 heures du matin, et qu'après, puisque les gens étaient attaqués une semaine avant, et qu'ils sont venus pour venger les populations, d'autant plus qu'ils trouvent que ces populations sont de connivence avec les rebelles qui étaient là, et donc c'est ce qui a provoqué leur vengeance, et qu'après ils sont allés dans le camp de Waïdo, j'espère que je prononce bien le nom, Waïgouya, ils sont allés là-bas, donc on les connaît avec des têtes de mort comme écussons, etc. Vous voyez, c'est un narratif tout tracé, tout écrit, parce qu'il n'y a rien qui aujourd'hui, sans qu'il y ait une seule enquête, puisse permettre de dire cela. Alors que M. Ambalo, qui est très loin du Burkina Faso, la sagesse aurait voulu qu'il puisse appeler son homologue, le capitaine Ibrahim, pour lui dire, ah, écoute ce qui s'est passé, qu'en est-il? Après qu'il y ait des informations, il peut dire, moi, parallèlement à ça, j'ai d'autres informations, et voilà, voilà. Et l'autre, évidemment, il pourrait alors dire, bon, je vais diligenter une enquête. À la limite, ce que je peux me demander, c'est que pour ne pas que ça donne l'impression que nous voulons que c'est quelque chose, je suis prêt à ce que, par exemple, en tant que frère, vous pouvez venir, par exemple, parce que ce qu'on oublie, la CDA a quand même une cour de justice. À quoi ça sert cette cour de justice? À la limite, on peut, M. Ambalo pourrait dire, bon, je peux t'envoyer, bien le président Ibrahim Traoré pourrait dire, je peux accepter qu'il y ait des personnes indépendantes au cas où il y aurait des doutes. Mais ce n'est pas ça. Sans qu'il y ait une seule enquête, M. Ambalo, déjà le 27, annonce, parle de génocide. Le 2 mai, le mardi 2 mai, Amnesty International parle ici des crimes de guerre. Et les deux, en réalité, leur objectif, c'est de dire qu'en réalité, vous allez voir le chemin dans lequel on va, si on n'est pas vigilant, c'est que bientôt, il va y avoir un communiqué de la CPI. Et aujourd'hui, c'est, si la CPI s'est mise un peu en retrait, c'est par rapport à ce qui s'est passé tout récemment avec la Russie. Parce que les gens verront un peu la main très visible des ennemis de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que, pour le moment, la CPI ne réagit pas. Mais si nous ne sommes pas vigilants, vous allez voir il va y avoir un communiqué où la CPI va subitement venir dire qu'elle veut faire des enquêtes. Nous avons le Congo qui subit un drame depuis 1998. Jusque-là, la CPI a arrêté quelques individus, mais les massacres continuent de se perpétrer dans cette zone. Nous savons que ce pays-là, la guerre est alimentée par les puissances occidentales, notamment, qui donnent des armes à des voyous, parce qu'il faut récupérer le matériel, hein, les métaux, les ressources du pays. C'est la même chose avec le Burkina Faso. Il y avait des militaires français qui étaient là, mais déjà 40% du territoire français, du territoire burkinabé, n'était plus dans la main du Burkina Faso. Et le président de la transition, le capitaine Traoré, en a parlé. Donc maintenant qu'ils essaient de doter l'armée des moyens, et je vois ici, parce que n'oublions pas que aujourd'hui la France ne veut pas, c'est de celle qu'il s'agit, n'est pas prête à faire une guerre avec la Russie. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts français qui le disent. Si la France engage une guerre, elle a des munitions de un jour et demi, pas plus que ça. Donc, elle ne peut pas engager de guerre. Donc, il y a ce qu'on appelle une guerre de proxy. Parce que l'objectif des gens, c'est la bataille qu'ils ont perdue au niveau de l'Ukraine. Ils veulent la transférer en Afrique. Parce que l'Afrique est cet espace ou bien cette entité-là qui peut jouer deux rôles. Parce qu'il faut que les gens le retiennent. Parce que les enjeux géostratégiques sont très importants. Aujourd'hui, on sait que le grenier du monde, c'est la Russie. On sait que l'usine du monde, c'est la Chine. Or, l'Afrique peut jouer ces deux rôles à la fois. Si nous avons des dirigeants dignes, des dirigeants patriotes. Et donc, les gens veulent empêcher ça. Ils veulent que l'Afrique continue d'être ce marché dans lequel on peut déverser tout ce qui est des structures et des éléments qui sont créés et que nous continuons de nous nourrir ici sur ce que nous ne produisons pas, au risque même que nous soyons tués. Peu importe, parce que notre vie ne compte pas. Donc, il faut que nous ayons ça en esprit. Aujourd'hui, tout dirigeant qui a pour objectif de libérer son pays, d'atteindre une certaine autonomie, une certaine indépendance, cette personne devient de facto l'ennemi des ennemis des Africains. Et je pense que pour cela, on a vu les différentes attaques qui ont eu lieu contre le gouvernement du Mali. Et aujourd'hui, on voit celui contre le Burkina Faso. On a vu avant ça le président Ange Touadéra qui a été dans le viseur de la France et de toutes ces structures qui en pâtissent. Voilà. Vous voyez que donc, ce qui se passe, comme je dis, les autorités burkinabées, je pense qu'elles sont assez compétentes, elles comprennent la situation. Parce qu'il ne faut pas, bon, c'est vrai, nous n'avons pas mis les éléments émotionnels en avant, d'autant plus que nous n'avons pas toutes les données. Le capitaine Traoré, il est chef de l'État, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et de ce fait, il sait comment gérer une situation. Parce que l'objectif que les gens veulent créer, c'est pas là, je vais terminer, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle une guerre ethnique. Parce que la tendance à la fois du tweet de M. Ambalo et le communiqué de, comment on appelle, de Amnesty International, veut donner l'impression qu'au Burkina Faso, il y a une communauté qui est visée parce que cette communauté est une communauté qui serait associée à la rébellion. Et que de ce fait, parce que c'est ça que je veux dire de communiquer, comme les forces, les VDP ont été attaquées ainsi que les forces de défense une semaine avant, donc ça veut dire que l'armée voit que cette communauté qui est là, c'est d'ailleurs pour ça que les gens parlent de génocide. Et c'est ça la définition de génocide, c'est une partie, une population donnée. Donc ce qui veut dire que dans cette localité, je ne connais pas les localités, quelle est les langues que parlent les populations, mais dans le truc du communiqué de Amnesty International, il est écrit noir sur blanc que les militaires qui sont venus parler de Douala et le Moré. Ça veut dire que ces populations ne sont ni Douala ni Moré. Ça veut dire que c'est une population qu'on veut exterminer. Vous voyez, donc, c'est cette manière insidieuse de présenter ici, effectivement, un genre de crime, hein, ethnie, auquel nous, les Africains, on serait les plus, comment on appelle, les plus habitués, parce que nous sommes des voyous, nous sommes des gens qui aiment la violence. Or, pourtant, il n'y a pas longtemps, M. Nicolas Sarkozy a dit que ceux qui sont les plus violents, ce ne sont pas les Africains. Ce n'est pas moi, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Donc, c'est justement par là, je termine, pour dire que ce qui se passe au Burkina Faso, il faut que le gouvernement du Burkina Faso soit vigilant et soit en alerte. Parce que, en voulant donner l'impression que les choses sont dans leurs mains, mais le complot qui est ordi, ça, c'est cette fissure qu'on veut utiliser. Quand nous lisions le communiqué de presse des gens, enfin, de la conférence de presse qui a eu lieu, ensuite, le communiqué de presse, tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui se profile. Et je ne veux pas vous faire le dessin, parce que je sais que bientôt, la mission, comment on appelle, la CPI va s'auto-proclamer saisie, et qu'elle pourrait, de ce fait, parce qu'on va prendre les quelques rescapés, vous allez les voir, ils vont se retrouver cachés quelque part, et on va dire qu'ils sont venus constituer un groupe pour porter plainte, alors que la justice burkinabé a les compétences pour porter plainte. S'il s'agit réellement, comme les gens le disent, des militaires, je pense qu'il n'y a même pas le feu à la matière. Voilà ce qu'il faut dire et qu'il faut être vigilant. C'est la vigilance qu'il faut, dont il faut redoubler. On va dire également merci à tous ceux-là qui étaient avec nous et qui ont participé donc à la réussite de cette émission, édition de ce jour, notamment aux téléspectateurs. Malheureusement, nous ne prendrons plus les appels. Vous êtes nombreux à nous avoir donc appelés et à continuer à nous appeler. Malheureusement, c'est terminé pour cette édition de ce jour. On va lire quand même quelques messages. Ces affirmations de M. Mbalo tentent à vouloir discréditer le gouvernement burkinabé. Les Européens ne veulent pas voir une Afrique autonome. Ils passent alors par les Africains cupides pour troubler l'Afrique. C'est donc le message d'un téléspectateur et un autre qui dit attention au Burkina Faso. Les Occidentaux sont en la manœuvre pour justifier une intervention militaire d'envergure. L'heure est venue de rompre définitivement avec la France et afficher une position claire au sujet d'une coopération militaire avec la Russie. Et voilà donc les messages de certains téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres et surtout de rester en compagnie de nos programmes. Agréable fin de soirée à toutes et à tous.